La chanson de Napoléon. De la légende noire à la légende dorée, l'ombre de la grande armée, clé de Milan, sabre de la paix des cinq sourds de cire, dit du vœu universel. Sacre tel populus, l'impérial est le drapeau de celui qui dédie à symbole magique aux prisonniers de guerre, campagne d'Égypte, d'Elot et de Russie, aux soldats anonymes et à l'air.